L'homme sans âge, au titre anglais beaucoup plus évocateur et beaucoup plus juste, évidemment, par rapport à la thématique du film, c'est Youth Without Youth, donc jeunesse sans jeunesse. Et c'est le grand retour. Youth. Excuse-moi. Ah oui, on dit Sonic Youth. Bah c'est ça, c'est pour ça en fait qu'on le dit, finalement. Donc Youth Without Youth, jeunesse sans jeunesse. N'est pas plus facile à dire, hein, pour la cause. Au revoir Philippe. Au revoir Philippe. Donc de Francis Ford Coppola, ça je le dis à peu près correctement, oui. Qui a, excusez-moi je renifle un petit peu, qui a réalisé, scénarisé et produit le film. Avant qu'on lui pique son ordinateur. Voilà. Oui, c'est juste, j'avais oublié cette histoire. Il n'a pas retrouvé. Bah, on n'a pas de nouvelles, donc... Et son grand retour donc au cinéma après quasiment 10 ans d'absence comme réalisateur au grand écran. Donc rapidement, on va retracer la filmographie de Coppola. Il fait partie de cette génération de cinéastes fin des années 60, début des années 70, qui a investi l'Hollywood qui était complètement déconnecté de la réalité américaine, complètement en perte de vitesse, avec de moins en moins de succès au box-office. Fossé des générations oblige, tout simplement. Hein. Mai 68 était passé par là. Ah, ça. Et puis, donc, toute une génération de cinéastes, comme par exemple Dennis Hopper, avec... oh, nom de Dieu. Born in USA, non. Non. C'est un truc dans le genre. Allez, le film de Dennis Hopper avec les motards. Easy Rider, voilà. Ouf, là, oui. Ça va être facile. Donc, le film... avec le film de Dennis Hopper, notamment. Donc, Dennis Hopper avec son film... Easy Rider. Ça va. Dennis Hopper, Easy Rider. Voilà. Donc, t'as qu'à dire Jack Nicholson. Voilà, ça allait plus. Jack Nicholson. Donc, film produit par Hollywood pour un petit budget, mais avec une totale liberté. C'était une espèce de contrat auquel avait droit de jeunes cinéastes. Et à proprement parler, Francis Ford Coppola n'a pas vraiment, je pense, bénéficié de ce système. Lui, il était déjà dans le système hollywoodien, comme scénariste par exemple. Et puis il a réalisé des films très très commerciaux. Je me demande s'il n'a pas réalisé une comédie musicale, enfin ce genre de choses. Et puis il a réalisé des projets plus personnels par après, en passant par chez Corman par exemple. Playgirl, le morceau Playgirl est très bien. Je sens que tu me parles. Ouais. C'est fou, hein. J'étais un peu dans mon monde, faut m'excuser. Voilà. Pardonnez-moi. D'accord. Ok. Non mais c'est bien, on fait la programmation en direct. C'est un des derniers sur l'album. Oui, j'ai compris. Je referme la parenthèse. Le 13. Ça n'a rien à voir avec Francis. Du tout. Du tout. Mais par contre, Roger Corman, c'est très bien. Voilà, je crois que son film s'appelait Démentia 13. Ouh, qu'il a une petite réputation, ce film-là. Oui, mais petite dans quel sens? Dans le sens des films de Roger Corman. Voilà, c'est ça. Il est trouvable en DVD, dans les solderies, vraiment pour pas très cher. Ah oui, ça fait ça, quand on regarde. Mais non, ça ne le fait plus. Voilà. Voilà. Et puis, Coppola, je peux ponctuer, si tu veux. Il a commencé à faire des films plus personnels dès la fin des années 60, avec un titre comme par exemple Rain People, Les gens de la pluie. C'est carrément en 72 avec Le Parrain, adaptation d'un best-seller sur la mafia, évidemment, que là, il est devenu tout simplement des cinéastes les plus solides commercialement. C'est le premier blockbuster de l'histoire, Le Parrain, je pense. C'est-à-dire sorti sur énormément d'écrans simultanément aux États-Unis, alors que la pratique à l'époque, c'était plutôt de sortir d'abord les films dans les grandes villes, et puis, selon leur succès, on les sortait petit à petit dans les plus petites villes, à la campagne et tout ça. Là, le film est sorti dans plein de salles et a engrangé énormément d'argent, ce qui a donné beaucoup de pouvoir et de liberté à Coppola. Et il a donc par exemple réalisé La Conversation, enfin Conversation Secrète, Conversation, très chouette film d'espion, on va dire, avec Gene Hackman, avec un travail sur le son assez incroyable. Et puis le pareil, il en a fait une trilogie, hein, le deuxième en 74, et puis le troisième beaucoup plus tard en 90. Et puis, gros morceau, Apocalypse Now en 79, film complètement mégalo, tournage apocalyptique. D'ailleurs, il me semble que le making-of d'époque, Out of Darkness, vient de sortir en DVD aux États-Unis. Out of Darkness, qui est d'ailleurs le titre original, Au cœur des ténèbres, du bouquin de Joseph Conrad, dont Apocalypse Now est tiré, donc il a... adapter l'intrigue du Congo belge à la guerre du Vietnam. Et puis dans les années 80, il faut bien le dire, Coppola s'est Un peu laissé aller. Plein de grands films commerciaux, mais artistiquement peut-être moins mémorables. One from the Heart, The Outsider, Rumblefish, Cotton Club, Peggy Sue et Maria en 86, Les Jardins de Pierre, donc Gary Nolan of Stone, Tucker, vraiment très très beau film aussi, Tucker, sur un constructeur de voitures complètement isolé et atypique. Avec Tim Robbins, si je ne m'amuse, non ? Je ne crois pas, non. Je me demande si c'est pas plutôt Jeff Bridges ou quelque chose comme ça. Ah. Métaphore, évidemment, sur sa condition de créateur incompris à Hollywood. Parce qu'il faut savoir que Coppola, c'est un grand réalisateur, mais c'est aussi un homme de pouvoir et donc de production. Il a fondé sa maison de production, American Zoetrope. Il avait de grands projets d'alternative à Hollywood, de contre-offensive d'une certaine manière, qui sont quasiment mort-nés, qui ont été quasiment tués dans l'œuf par un de ses premiers projets. C'est THX 1138, premier long métrage de George Lucas, science-fiction adulte, film vraiment très très intéressant, mais qui s'est carrément ramassé au box-office et qui a endetté Coppola pour de longues années. Mais la maison de production existe toujours, et c'est sous cette bannière-là qu'il a d'ailleurs produit L'Homme sans âge. Et puis Coppola a renoué avec de plus grands succès commerciaux, avec Le Parrain 3 en 90, et dernier grand coup d'éclat, c'est Dracula en 92. Et puis il est vraiment, il a quitté les années 90 et le cinéma pendant 10 ans, vraiment par la petite porte, en réalisant des films de commande sans grande ambition, comme Jack, avec Robin Williams, qui est vraiment une sacrée purge, et une adaptation de John Grisham, Rainmaker, en 97. Donc, qui est quand même assez... Comment dire ? Je n'ai pas de souvenir particulier, mais je pense que c'est très impersonnel. Et c'est pas... Un peu lourdingue. Ouais. Un peu lourdingue. Avec notre ami Benjamin Stone. Comment il s'appelle ? Allez ! Mais si ! Volte-face ! Nicolas Cage. Voilà, Nicolas Cage. Ouais. C'est ça. Il joue dans Rainmaker. Ah oui, il est mauvais comme pas possible. Ah bon. Oui, oui. Comme désolé quoi, de le dire. Hein, si non, bah, c'est sûr. Et puis donc voilà, Coppola, qui est quand même une des grandes personnalités qui a bousculé le cinéma hollywoodien dans les années 70, avec des Scorsese, des Lucas, des Spielberg, un parcours assez particulier et... finalement a quitté le cinéma pour se tourner vers la viniculture. Et qui marche très très bien, ben c'est grâce à ça qu'il a gagné plein d'argent et qu'il peut maintenant se permettre de produire des films en toute indépendance, des films dont on ne connaît pas le budget, mais qui manifestement n'est quand même pas une production à 100 ou 200 millions de dollars. Et donc L'Homme sans âge, pour y venir, est une adaptation d'une histoire de Mircea Eliade. C'est un historien des religions roumain, il est aussi un romancier, anthropologue. C'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé à la mythologie. Je crois qu'un de ses bouquins les plus connus, c'est L'éternel retour du héros, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, mais nos amis auditeurs qui fréquentent la faculté de philosophie et lettres auront très probablement entendu parler de Mircea Eliade. Hein, parce que de Mircea Eliade, c'est comme ça qu'on dit alors. C'est ça, Mircea Eliade. C'est un roumain, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Et si vous n'en avez pas entendu parler, eh bien, il est temps d'arrêter de brosser les cours d'Edouard Delruel, c'est mal. Voilà. Allez-y. Et puis aussi, pour la petite histoire, on s'est aperçu, je pense que c'est quelque chose qui peut-être se savait, mais qui s'est de plus en plus fait savoir, c'est que ce personnage, Mircea Eliade, malgré la stature de ses écrits, a eu à passer dans les années 30-40 vraiment pas très très glorieux. Il a fait partie d'associations, peut-être même de ligues carrément pro-nazis. Il a eu des écrits carrément antisémites et il a collaboré avec le régime dans les années 40 et tout. Donc pour après faire complètement table rase de ça. Mais c'est pas du tout sur cet aspect controversé du personnage ou ton travail que Coppola s'est penché. Et c'est plutôt sur les aspects liés à la religion, à la mythologie et à toutes les questions métaphysiques qui en découlent. Donc le pitch est relativement simple et classique. Ça se passe en 1938 en Roumanie. Dominique Mattei est un vieux professeur de linguistique et il se considère comme un raté. Quand il était jeune, il a perdu la femme de sa vie qu'il a quittée. Et ce qu'il estime être son grand œuvre, le travail de toute sa vie, il est inachevé et le restera très probablement. Ce qui le passionne depuis qu'il est jeune chercheur, c'est de découvrir l'origine du langage, de remonter jusqu'à justement l'origine du langage et donc l'émergence de la conscience et d'une pensée articulée chez l'homme. Mais travail gigantesque pour un seul homme qui voué à l'échec. Et ce Dominique Mattei, un beau jour, est frappé par la foudre et au lieu de bêtement mourir ou d'être aveugle ou sourd ou impotent, voire un peu de tout ça, au contraire, il va rajeunir jusqu'à retrouver sa trentaine, quarantaine. Ma foi. Au grand étonnement, évidemment, des médecins qui vont le soigner. Phénomène incompréhensible qui va forcément, à cette époque, intéresser les nazis qui commencent tout doucement à venir s'apposer du côté de la Roumanie. Donc du coup, Dominique Mattei va devoir fuir les nazis qui veulent faire des expériences sur lui, évidemment, pour découvrir le secret de la vie éternelle. Et il va fuir en Suisse, pays neutre s'il en est, et va continuer son petit bonhomme de chemin, va passer entre les bombes et entre les espions pour arriver après-guerre à rencontrer par le plus grand des hasards Véronica, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son amour de jeunesse. Et Véronica va, elle, subir un grave accident de voiture, va être traumatisée et va, par le plus grand des hasards, mais évidemment ce n'est pas le hasard, être touchée par des crises de glossolalie. C'est donc elle va se mettre à parler des langues qu'elle ne connaît pas. Comme Elvis, juste avant qu'il se fasse enlever par les extraterrestres. Et évidemment, les langues, ce ne sont pas des langues contemporaines, ce sont des langues anciennes, de très très loin. Ce qui forcément intéresse de manière hyper fondamentale Dominique Mattei, parce qu'il est toujours en train de travailler depuis toutes ces années bonus qu'il a récupéré cette nouvelle jeunesse à découvrir l'origine du langage. Voilà, voilà. C'est donc ce pitch assez simple, presque cliché, qui rappelle presque X-Files par certains aspects, comme tu avais l'air de le dire un peu, à base d'enlèvement extraterrestre. Oui, mais il y a quand même un détail qui me trouble. Tu as dit qu'il s'appelait comment ? Dominique Mattei. Il est corse. Il est roumain. Non, il est corse. Je pense bien qu'on peut dire qu'il est roumain. Doumé. Dominique Mattei. C'est corse comme nom, non mais sans déconner. Il faudrait demander à Coppola. Non mais je te jure, sans déconner. Cette le roumain, c'est une langue latine. Hein, donc. Dominique, bon. C'est le prénom le plus répandu pour les garçons en Corse. Doumé, c'est le diminutif de Dominique. Et Mattei, c'est le Dupont corse. Sans déconner. Bah, Roumanie, Corse, même combat. Hein. Incroyable. Incroyable. Incroyable. Donc, comme le dit lui-même Coppola, sur ce pitch qui ressemble très fort à un épisode de la quatrième dimension, il a néanmoins voulu aborder des thématiques qui le tiennent énormément à cœur pour son retour au cinéma. En toute liberté, évidemment, Coppola a de très grandes ambitions. Il s'est également fixé des contraintes esthétiques de mise en scène assez fortes, comme par exemple d'avoir une caméra fixe. Donc pas un seul mouvement d'appareil. Ouf. Il convoque le cinéma d'Ozu à l'appel, donc cinéaste japonais, mais à des années-lumière de l'univers habituel de Coppola et de l'univers de ce film-là. Mais bon, on sait que Coppola est un grand amateur de cinéma japonais. Il a même produit un film de Kurosawa. Il en connaît un rayon. Ouais, en même temps, Kurosawa n'est pas le plus japonais de cinéastes japonais quand même. Ouais, mais bon, ça montre aussi son ouverture d'esprit de ce point de vue-là, et sa cinéphilie, à tout le moins. En même temps, bon, c'est le moins qu'on attend de Coppola. Yasujiro Ozu, il faut quand même rappeler, de nouveau, moi je pense aux gens qui sont en train d'étudier pour leurs examens de Noël, et qui nous écoutent. tu vas dire ça fait beaucoup de conditions, mais bon, on est semaine de Saint-Nicolas, tout ça. Yasujirō Ozu, ça recommence. Excusez-nous pour les bruits, hein, il se passe des choses dans cette table. C'est ce cinéaste qui filmait en plan fixe, mais avec une caméra à hauteur des yeux des gens quand ils sont à genoux. Donc si on est assis, on a la caméra à hauteur des yeux. Évidemment, si on est debout, on a la caméra à hauteur des... Bon. Mais comme c'était au Japon, les gens étaient souvent accroupis à genoux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Mais non, mais tout ça pour dire non, que... mais il faut recadrer ça. Est-ce que c'est seulement des plans fixes ou bien est-ce qu'il a aussi mis un peu plus bas la caméra que non, à hauteur des... C'est une bonne question. Chose des gens. Je devais t'avouer que, honte sur moi, je ne serai jamais grand critique cinéma. Comment on a quand même... Tu n'as pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe. On a quand même des plans vus du dessus, donc à mon avis... Oui, non, il y a des plans fixes, mais avec une très grande imagination et une très grande inventivité. Par exemple, des scènes oniriques ou des scènes de délire, entre guillemets, sont filmées. Enfin, il y a des images à l'envers, par exemple. C'est pas non plus statique au point que ça redevienne un carcan étouffant. Mais c'est clair que le film dure c'est 2 bonnes heures ou 2h20, je ne sais plus trop. Et 2 heures, je pense. Et clairement, le rythme n'est pas trépidant. On n'est pas dans Indiana Jones, on n'est pas dans. Ah non, dans parce que tu parlais de nazis, de quêtes et tout ça. Ouais, voilà, non. C'est pas le créneau. Non, pas tellement, même si la stylisation du film, notamment le passage où il est en Suisse et où il fuit la Roumanie, il est en Suisse et il est poursuivi par les nazis et tout ça, le côté très stylisé du film qui n'a pas de volonté du tout de reconstitution réaliste de reconstituer l'époque de manière historiquement rigoureuse fait qu'il y a aussi ce côté un peu décalé qu'on peut prendre au second degré et qui me semble-t-il est assumé de côté un petit peu voilà un peu rétro, un peu sérial avec des intrigues un peu avec des méchants, très méchants et... Moi je dirais que même parfois ça frôle enfin ça ne frôle plus ça... Ça rentre ça carrément piétine dedans, carrément. Ça piétine un peu le kitschouille. Il y a certains plans qui, quand même. Le kitschouille. Dans quelle mesure. Oui, c'est un peu kitsch, je trouve. Ouais, ouais, mais dans quelle mesure c'est du premier degré ou c'est justement une espèce de petit clin d'œil, de petit. Oui, c'est ça. Petite référence. C'est difficile à dire, mais c'est vrai que le film ne déborde pas d'humour non plus. Et aborde des thématiques, comme je le disais, très très sérieuses, hein, puisqu'on a droit à donc une histoire d'amour déchirante, impossible, qui traverse les âges, et forcément liée à ça, et ce qui rend justement impossible cette histoire d'amour, c'est le rapport à la mort qui est omniprésent, même pour cet homme qui ne vieillit plus, et qui se consacre entièrement à sa... à son travail, à tel point qu'il y a aussi cette espèce de thématique par rapport à Faust, ou par exemple, en tout cas, au moins entre sur la réflexion entre la fin et les moyens, puisque le personnage principal, à un moment, pendant tout un long moment du film, dialogue avec lui-même, ou en tout cas avec un double, qui lui est clairement sans vergogne. Et pour qui son grand œuvre de découverte de l'origine du langage justifie tous les sacrifices possibles et imaginables. Et donc voilà, une thématique très intéressante elle aussi, c'est celle abordée sur, comme je le disais, j'arrête pas de le répéter, sur l'origine du langage et l'émergence de la conscience, avec un espèce un peu de côté... un petit peu intrigant, vertigineux comme ça, mais c'est peut-être un des problèmes du film, j'y reviendrai. Donc un film qui déborde de symboles un petit peu cryptiques, parfois même carrément ésotériques, puisqu'il est question de métapsychose, de glossolalie. Oui, ça a l'air quand même, ça frise le fantastique. Quand de voilà. Crise médiumnique. Oui, c'est tout ça. On est carrément dans le fantastique. Ah oui, c'est ça. Mais... vraiment du côté ésotérique, alchimique, enfin vraiment le côté, pas du tout le côté folklorique des trucs avec des monstres, des fantômes, toc trois fois et le Ouija et tout ça, non. Ah oui, non, là vraiment, c'est du vrai, ouais, voilà, c'est, qui charcle un peu. Voilà, vraiment le côté métaphysique du truc. Ah oui, non, justement, qui ne charcle pas. Oui, non, du côté l'esprit humain, enfin, des questions vraiment de cet ordre-là. Ou qu'il faut réfléchir. Ouais, voilà. Mais vous l'aurez peut-être compris, je ne déborde pas d'enthousiasme sur le film qui, du coup, se traîne pas mal de défauts. Comme le disait Virginie, parfois des scènes très appuyées et des choix, des parties prises de mise en scène qui confinent au kitsch et à premier degré, parfois un petit peu pas bébête, mais qui ont l'air un peu faussement profond comme ça. On a l'impression que toutes ces thématiques très profondes et très intéressantes et passionnantes même sont abordées de manière un peu candide, naïve ou superficielle, et cette espèce de volonté de générer des questionnements existentiels, voire même une espèce de vertige métaphysique, on est à des années-lumière de le ressentir. On n'est pas face à 2001 où on se prend plein de trucs et on ne comprend plus rien, et où on a vraiment des perspectives incroyables qui s'ouvrent à nous. Et du coup, le film est un petit peu lent, voire un peu embêtant, peut-être même carrément chiant à certains moments. Mais il a quand même des qualités, notamment grâce à son casting. C'est Tim Roth qui incarne Dominique Mattei, donc le rôle principal. Ah bah quand même. Qui est, comme à son habitude, impeccable, qui vraiment parvient à nous rendre ce personnage de septuagénaire, ou en tout cas de vieillard, qui malgré le fait qu'il retrouve son corps de jeunesse, se comporte toujours comme un petit vieux. Il profite pas de la vie, il fait son travail en bibliothèque, et il a son petit costume de vieux, il est un peu le dos voûté quand même, enfin, c'est bien rendu, et le personnage vraiment on ressent quand même, malgré tout, tous les défauts du film, on ressent à certains moments son déchirement et sa douleur et sa solitude qu'on ressent palpable grâce à la performance de Tim Roth. Et il est secondé par des acteurs plutôt pas mal, comme Alexandra Maria Lara, qui incarne donc le double rôle de Veronica et Laura, et ce bon vieux Bruno Ganz, qui incarne le médecin qui soigne Tim Roth. Ah bah ça faisait longtemps. Voilà, évidemment Bruno Ganz vu dans plein de Wim Wenders. Oui. Et probablement revu par Coppola. Dans La Chute, dont tu nous avais parlé. Voilà, et revu par Coppola. Ah oui, pardon, oui, dans voilà, La Chute. Ça, voilà. Parce qu'Alexandra Maria Lara, donc le premier rôle féminin, jouait aussi la secrétaire. Tout est dans tout. D'Hitler dans La Chute. Ça y est, j'ai compris. Tout est dans tout. C'était très cohérent. En fait, très cohérent. Donc voilà, c'est assez bizarre de se dire qu'un cinéaste du calibre de Coppola revient dans un film qui n'est projeté que dans les cinémas à réessai, en tout cas par chez nous, qui ne tiendra sûrement pas longtemps à l'affiche, avec un film au parti pris très intéressant, hein, notamment, comme je disais, le parti pris de mise en scène, avec aussi une espèce de volonté de s'inscrire dans un cinéma peut-être classique à l'ancienne, notamment avec ce générique d'ouverture qui est une espèce de note d'attention. Donc c'est un générique à l'ancienne avec écran fixe, avec un film de Francis Ford Coppola, Tim Roth en grand avec lettres dorées, caractère à l'ancienne, tout le générique au début du film et pas de générique à la fin du film. Donc vraiment avec la rose, parce que la rose est un symbole très important dans le film, et c'est l'affiche du film, je pense, c'est une rose. Donc il y a vraiment un côté très très rétro, assez, assez sympa, une musique aussi à l'ancienne, orchestrale et romantique bien comme il faut, pour un film quand même réalisé, comme je le disais, en toute indépendance en Roumanie, avec une équipe essentiellement roumaine, si ce n'est comme réalisateur de seconde équipe, le fils Coppola, Roman Coppola, et comme monteur son et monteur tout court, Walter Murch, je ne sais pas comment on dit, qui est un des collaborateurs de longue date de Coppola. Il a travaillé sur Apocalypse Now et sur Les Deux Derniers Parrains, sur La Conversation. Il a aussi travaillé avec George Lucas. C'est vraiment un des plus grands noms du montage son et image aux États-Unis. Je pense que c'était le premier à avoir monté un film professionnel sur ordinateur personnel. D'accord. Un pionnier de la desktop vidéo. Ouais, genre tout le monde travaillait sur Avid. C'est le patient anglais, je crois, qui l'a monté comme ça. Ah oui. Sur Final Cut Pro, je crois. Enfin, donc un programme. Un très bon programme. Voilà, mais pas la grosse machinerie hollywoodienne, quoi. Ah bah à l'époque, non, c'est sûr. Donc, un film intéressant par plein d'aspects, notamment technique et thématique, et par la performance des acteurs. Et que beaucoup, il faut le souligner néanmoins, notamment sur Internet, dans les forums cinéma, trouvent excellent. Pour certains, c'est carrément le film de l'année 2007. Et tous ces reproches que je lui formule, notamment sur le côté un peu superficiel, un peu premier degré, un peu candide, certains, et des gens très intelligents, trouvent que c'est abordé de manière très très subtile, très très bien, et que ça rend tout à fait justice au travail de Mircea Eliade. Donc, si vous êtes curieux de découvrir, en tout cas de redécouvrir Coppola, et si vous êtes féru de ce genre de thématique, c'est clairement un film qui risque de vous plaire. Et de vous intéresser, en tout cas. C'est ça. Oui. Mais il faut bien l'avouer, c'est pas un retour en force et fracassant de Coppola qui ne se laisse sûrement pas démonter, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il est parti en Argentine sur son nouveau projet. On ne sait pas dans quelle mesure il va pouvoir être concrétisé. Bah non, puisque. Mais bon, il ne se laisse pas démonter, Coppola. Il faut dire que pendant toutes ces années. Il en a vu d'autres aussi. Hein. Voilà, toutes ces années où on n'a pas entendu parler de lui, il travaillait sur un projet incroyable qui s'appelait Megalopolis, qui devait être une espèce de grande fresque. Probablement un peu d'anticipation sur New York, vraiment un projet incroyable, vraiment qui devait être le testament artistique de Coppola, mais projet qu'il a tout simplement mis au placard après le 11 septembre 2001, parce que selon lui, les événements rendaient obsolète tout ce qu'il voulait dire. Pas de bol. Et donc voilà, on espère quand même que tous ces projets qu'il avait dans son portable et dans son disque dur de sauvegarde, il les a quand même encore quelque part sous le coude. Dans et puis sinon, ben voilà, il va devoir repartir à zéro du bon pied.